Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur Radio Guémozo 107FM. Nous sommes le lundi 11 octobre 2021, il est un peu plus de 14h, il est 14h01 même, nous sommes bien sûr en direct, c'est Chris, vous êtes dans Fréquence Libre et pour cette nouvelle édition, je reçois dans nos locaux à Saint-Étienne-les-Remiremont, Noël Daval ainsi que Del Daval de l'association... Noël Galmich. Pardon ? Galmich. Noël Galmich. Noël Galmich et Del Daval, du coup, de l'association des patoisans du Jambon Val d'Ajol, qui sont là pour nous parler des patoisans, mais aussi de leur album, de leur bande dessinée du célèbre personnage Gaston Lagaffe. Donc bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Comment ça va ? Très bien. Parfaitement. Parfait. Donc nos auditeurs et auditrices sont habitués. Avant d'entrer dans le vif du sujet, pouvez-vous vous présenter à tour de rôle en quelques mots ? Oui, je m'appelle Del Daval, je suis président des patoisans du Girmont Val d'Ajol, patoisans de la Croix-Revert. D'accord. Et moi, c'est Noël Galmich, je fais partie de l'association depuis sa création. On avait fait l'association, elle a été créée en 2007, je crois. Hein. Oui. Mais avant, on avait déjà... Débuté en 99. Ouais. Depuis 99, on se réunissait déjà pour le patois. D'accord. Donc, maintenant, pouvez-vous présenter en quelques mots toujours l'association, du coup, la patoisan d'Atrorvert. J'espère que je le prononce bien. Oui, pas mal. Ben, merci. Donc, du coup, est-ce que vous pouvez présenter l'association en quelques mots ? L'association elle-même a démarré en 2006, mais le groupe s'est créé en 99, l'année de la tempête. Mm-hmm. Et on était 5-6 autour de ça, voire 7 peut-être. Et on était sous le figie de la Pinette des Vosges avec Jean-Marie Manin, c'est Pierre Duval qui avait démarré cette structure. Et jusqu'en 2006, et à partir de 2006, on a passé association. Et c'est mon fils Ludovic qui en était le président. Il était tout jeune, il avait 16 ans. D'accord. Et donc, du coup, maintenant, c'est vous le président ? C'est moi le président. Oui, on a repassé le flambeau voilà. Inversement. D'accord. Et donc, comme annoncé en introduction, vous faites partie de cette association. Donc, vous en avez un petit peu parlé, mais on peut peut-être un petit peu développer. Quel a été le parcours de l'association ? Eh bien, le parcours de l'association, nous avons commencé... Parce que on a commencé par les mots en patois. Hein, Théo et Noémie, tu vois, tu ne vois pas. Hein, voilà, des trucs comme ça. Et on a fait plein de mots comme ça, un lexique, si on veut. D'accord. Un petit répertoire à l'époque, sur des feuilles, quoi. Et un jour, mon fils qui était là, il me dit, il faut qu'on fasse une bande dessinée. Et on a été en réunion, on en a parlé. Et c'est en 2006 qu'on a démarré, quand l'association a été créée. Et là, on a fait le Tintin, l'affaire Tournesol en patois, qu'on a vendu, nous, les patoisans, en 3000 exemplaires. Et Casterman en a vendu 2000 en librairie, lui. D'accord, donc c'est un accord du coup avec la maison d'édition. Ah oui, tout à fait, on n'avait pas le choix, il fallait qu'on ait des rapports avec eux et ils nous limitaient sur certains mots. Bien quoi sûr. qu'ils nous ont quand même assez, ça a été assez large et on était assez tranquille avec eux parce qu'ils nous ont laissé de la marge, qu'on veut dire. D'accord, donc Tintin et l'affaire Tournesol qui en patois est l'affaire Tournesol. Oui. Qui s'est fait l'affaire Tournesol, oui, l'affaire Tournesol, d'accord. L' apostrophe E2F, accent grave, RE, faire tournesol. Voilà. Que tournesol, on ne le met pas en patois puisque c'est tournesol. Bah oui, un nom propre. Voilà. Et donc, cette émission, du coup, je vous l'ai dit en off, hors antenne, mais je vais le répéter pour nos auditrices et auditeurs, cette émission va se dérouler en deux grandes parties. Nous allons commencer par parler de l'association en général et ensuite nous parlerons de la BD de Gaston Lagaffe. Mmh. Qui est sorti l'année dernière, me semble-t-il. Le premier confinement. Voilà, donc l'année dernière. Premier confinement. Il me semble. Elle a été éditée. On devait aller en Belgique pour voir l'imprimer. Et on n'a pas pu y aller. Nous ont dit c'est pas la peine de venir. On va peut-être y être confiné d'ici midi. Mm-hmm. Et à midi, tout était sur palette et ils confinaient. Pouf. Alors ça a été le coup de bol. Que c'était imprimé en Belgique, hein, faut le savoir. Hein. Eh oui. C'est pas tout prêt. Donc du coup, bah voilà, c'est pareil. Donc on en parlera un petit peu plus tard, mais du coup, cette BD de Gaston Lagaffe traduite en patois vosgien également. Donc maintenant, quels sont vos rôles respectifs dans cette association ? Donc vous, Del, vous êtes le président. Désormais, et vous, Noël ? Moi, je suis un peu référent parce que je connais quand même bien le patois, quoi. Voilà. D'accord. Et donc cette association existe depuis 2006 ? 2006, 2007. Oui. Sauf erreur de notre part, mais ça doit être 2006-2007. Et puis on a sorti le Tintin, l'affaire Tournesol, en 2007. Voilà. D'accord. C'est une association loi de 1901. Oui. Oui. Voilà. Quelles sont les différentes activités proposées dans cette association ? Eh ben, y a plein d'activités. On a fait un... on a fait le Lagaffe et on a nos mots qu'on avait depuis le début, depuis 99, on les a mis tous en dans ce petit livre là. D'accord. Il y a 2000 mots. Pas toi français, français pas toi. Ok. Avec un peu de patrimoine et des proverbes, des trucs comme ça. Voilà. D'accord. Donc un dictionnaire. Un genre de dictionnaire de patois. On appelle ça un répertoire, nous, mais c'est le genre de dictionnaire, quoi. D'accord. Avec des conjugaisons et tout ça. Ok, parfait. Et donc combien de personnes êtes-vous en tout dans cette association ? En ce moment, on a une trentaine de membres, qu'on va dire. Une trentaine de membres, oui. Donc comme dans toutes les associations, il y a un bureau. Oui, voilà. Président. Président, le vice-président, la vice-présidente, la secrétaire, la trésorière et deux membres. D'accord, parfait. Le bureau complet. Et donc, du coup, comme vous l'avez dit un petit peu plus tôt dans cette émission, cette association a donc été créée en 2006 avec, du coup, Ludovic Daval, oui. Donc votre fils. Oui. Voilà. Puis ça a été reprise en 2011 par vous, du coup. Oui, tout à fait. Qui a repris le rôle, le flambeau. Tout à fait. Et donc, cette association, comme son nom l'indique, c'est une association de patois. Donc, quel a été, ou quel est toujours d'ailleurs, le but derrière cette association ? Est-ce que c'est simplement de promouvoir le patois, ou est-ce qu'il y a une autre ambition, un autre objectif derrière tout ça ? Ben déjà, préserver notre patrimoine, qui est le patois, qui est une langue qui n'était pas écrite. Il faut le savoir, elle n'était que parlée. Mm-hmm. Mais comme on a un peu baigné dans ça depuis notre jeunesse, mes beaux-parents, les parents de ma femme, ils causaient que patois à leurs enfants. Oui. Eh oui. Hein? Bon, eux répondaient peut-être en français, mais enfin, le patois était causé. Moi, j'étais avec mon beau-père, il me causait qu'en patois, quoi. Oui. C'est pour ça qu'on est baigné dedans, et c'est un patrimoine qu'il faut vraiment préserver, quoi. Pour laisser une langue vivante, une trace aux générations futures, quoi. Bien sûr, le patois, c'est vraiment un héritage de... C'est ça. Ah ben, c'est un héritage qui date de... Ben, voilà, il y a du latin, du côté de l'Alsace, il y a des... qui ont le même patois que nous, hein, du côté de la Poutroie, Robet, tout ça, la vallée de la Bruche, tout ça, c'est le même patois que nous. Mm-hmm. Et voilà, quoi. Bon, eux, c'est plutôt des patois un peu germaniques, hein. D'accord. Et oui. Nous, c'est le patois, la langue d'oïe, quoi. Mais eux aussi, c'est la langue d'oïe, mais avec nous, on a beaucoup de latin, qui vient du latin, et eux, c'est beaucoup du germanique. D'accord. Et donc, il est 14h08. Avant de poursuivre, je vous propose tout de suite de nous lancer dans une toute première fréquence musicale, comme j'aime à l'appeler, dans une première pause musicale que vous avez choisie, et que nous écoutions Chimène Badi avec son titre « Je viens du Sud ». Pour donner les quelques références, comme j'aime bien le faire, à l'origine, c'est une chanson du célèbre chanteur Michel Sardou. C'est de la variété française. Cette chanson, cette reprise, est sortie en 2004 et elle est tirée de l'album « Dis-moi que tu m'aimes » de Chimène Badi. Album sorti en 2004 également. Et il s'agit du deuxième album studio de Chimène Badi, du coup. Album dans lequel on retrouve son célèbre titre « Dis-moi que tu m'aimes », d'où le nom de l'album. Cette chanson a également été reprise lors de la célèbre émission Star Academy, la 4e édition en 2004. Donc, on écoute cette reprise, cette chanson de Chimène Badi, et on se retrouve juste après pour la suite de cette émission. Donc, à tout de suite sur Radio Guémozo. Chemin, j'y reviens, j'ai dans la voie certes. à l'heure les horloges de ma vie. Un sentier dans la montagne quand j'aurai besoin d'eau. Un jardin dans la campagne pour mes jours de repos. Maison toute en pierre que la mer a rongée. Au-dessus d'un cimetière où mon père est couché. Je viens dessus et par tous les chemins j'y reviens. Retour sur Radio Gemozo, vous êtes bien sûr toujours en direct, il est 14h13, vous nous écoutez sur le 107FM localement ou sur notre application mobile et web Orange Radio et aussi sur notre site internet https://radiogemozo.radio-website.com/partout-en-France. Vous venez d'écouter Chimène Badi avec la reprise du titre Je viens du Sud et nous sommes toujours en compagnie dans nos locaux à Saint-Étienne-les-Remiremont de Noël Galmiche ainsi que de Del Daval de l'association des patoisans du Girmont-Val d'Ajol qui ils sont là pour nous parler entre autres de l'association et de l'album de Gaston Lagaffe, de la BD de Gaston Lagaffe sortie l'année dernière. Ça va toujours ? Très bien. Parfait. Donc nos auditrices et nos auditeurs sont habitués, j'aime beaucoup poser cette question après une pause musicale. Pourquoi avoir choisi d'écouter ce titre de Chimène Badi ? Est-ce qu'il y a une raison particulière ? Ah, pour moi, oui, je l'adore. D'accord. Voilà. D'accord, tout simplement. Tout simplement. Voilà, car je rappelle à nos auditrices et auditeurs, si jamais ils nous rejoignent aujourd'hui, dans mon émission Fréquence Libre, je laisse toujours mes invités choisir les pauses musicales à passer pendant l'émission afin que la dite émission leur corresponde le plus possible. Voilà, la parenthèse étant fermée, nous allons reprendre le cours de cette émission. Donc avec votre association des patoisans du Girmont-Val d'Ajol, est-ce qu'il vous arrive d'organiser des manifestations ou alors des événements ? Oui, oui, on a fait des messes en patois, qu'on a fait. D'accord. Messes en patois. On a participé à des fêtes, parce qu'il faut savoir que le Jura suisse, il a la même langue que nous, la langue d'œil. À peu près, ça se rapproche de nous, quoi, beaucoup du Val d'Ajol, quoi, des Vosges méridionales. D'accord. Et on fait des marchés d'antan, au Girmont, là, on fait les gestes d'antan au marché. Et on fait des repas, voilà quoi, un peu de tout. Et puis des colloques, ah oui, les colloques, il faut en parler de ça. Ah oui. Allez-y. Les colloques, on a déjà fait, je sais plus combien, une dizaine, on est à peu près 12 groupes de patois. De patoisans, oui. Des patoisans, donc il y a le territoire de Belfort, il y a la Suisse, il y a l'Alsace, côté Orbais et côté Vallée de la Bruche, jusqu'à... Jusqu'en bas de Roto, tout ça là, Saint-Blaise-la-Roche, c'est le même patois que nous. Certigny, Fraisse-sur-Moselle, Fougerolles, ça va plus trop bien, mais enfin, ils ont venu avec. Il y a des. Puis là, avec le Covid, à mon avis, oui, il va y en avoir qui vont tomber. Hein, voilà quoi, ben, c'est partout pareil quoi. Mm. Bon, on est à peu près 200 personnes quoi, sur 12 groupes quoi. C'est déjà bien. Oui, c'est une grosse organisation. Hein. Il faut trouver les locaux, il faut trouver le restaurant pour midi, il faut. Surtout le restaurant, oui. Eh oui, surtout. Mais donc, nous l'avons dit un petit peu plus tôt, enfin, vous l'avez dit surtout un petit peu plus tôt dans cette émission, le but de l'association, c'est de préserver le patois vosgien. Mais est-ce qu'il y a aussi une volonté de faire connaître et pourquoi pas de faire apprendre le patois aux plus jeunes ? Ah ben, c'est sûr, oui. Ça serait possible. Si on pouvait, on lance des appels, mais c'est pas beaucoup entendu. Non, voilà. On aimerait bien qu'il y ait beaucoup de jeunes qui viennent, quoi. Mmh. Bon, il y en a qui s'intéressent un peu de loin, qu'on va dire, qui nous ont pris des répertoires, tout ça, là. Mais est-ce que ça fera des vocations ? On ne sait pas. Oui, parce que je ne sais pas si vous allez être d'accord avec moi, mais je pense que beaucoup de jeunes de nos jours se disent « Ouais, bah, le patois, c'est une langue de personnes âgées, entre guillemets. » Ben, beaucoup de jeunes pensent ça, mais non, c'est le patrimoine. Et oui. Le patrimoine, et en ce moment, on défend le patrimoine dans toutes les associations, dans beaucoup de choses, quoi. Hein, qu'on ne voyait plus il y a seulement 15-20 ans, on ne voyait pas de ça, quoi. Que maintenant, ça revient, à grands pas. C'est-à-dire qu'on recule, on régresse, là. On va dans le patrimoine. Ce qui est normal, il ne faut pas oublier nos ancêtres. Bien sûr, c'est peut-être une régression positive du coup. Ah oui, eh ben, je pense que c'est très positif, oui. Pour nous d'abord, notre association, c'est positif. C'est positif. Mais surtout que, comme on l'a dit tout à l'heure, elle existe depuis 2007. Oui. Donc, mais du coup, est-ce que vous étiez déjà là, tous les deux, à la création de cette association? Oui, depuis le début. Oui, depuis le début. On est partis à trois avec mon fils, qui était le président au départ, et puis nous deux. Oui, oui. D'accord. Et au fur et à mesure, vous avez fait les recrutements. Voilà. Enfin, on est resté là. Ah, oui. Donc depuis 99, vous voyez, on est en 2021. Mm-hmm. Ça fait déjà. Il y en a déjà quand même des anciens qui sont partis aussi. Oui, hein. Oui, il y en a. Oui. C'est pour ça, quoi. Les référents les plus anciens, alors on a pris le. Enfin, peut-être pas le plus ancien, mais un référent quand même qui a écouté le patois, quoi. Ce qui est, c'est pour... Avec le temps, on devient ancien. Hein. Oui. Et donc, et au contraire, est-ce que cette association est aussi là pour rendre... c'est ma question, c'est une question rhétorique, parce que je pense déjà connaître la réponse. Est-ce que cette association est aussi là pour rendre comme un hommage, un clin d'œil aux familles des différents membres de l'association? Tout à fait. Ah oui. Tout à fait. Tout à fait, parce qu'au départ, ça s'est fait... voilà, avec Pierre Duval et Jean-Marie Manès qui ont créé le groupe, qu'on va dire, c'était un peu une association. Mm-hmm. Parce que Jean-Marie Manès, pareil, il était comme mon beau-frère et ma femme, ils entendaient ses parents parler que patois. Que patois, oui. Alors ils ont dit pourquoi pas essayer de sauver ça, quoi. Mm-hmm. Et je trouve que c'est une belle chose de faite. Ah, bah oui. Hein. Et puis pour l'instant, on a toujours des projets, qu'on va dire. Mmh. Moi, j'en ai plein derrière la casquette, mais après, il faut les mettre en route. Il faut les réaliser, c'est le souci, oui. On peut déjà avoir un petit avant-goût des potentiels projets que vous avez en tête ou... J'en ai deux. Mais il y en a un qui n'est pas une bande dessinée, c'est vraiment un petit livre. D'accord. Mais pour l'instant, non, je ne vais pas le dévoiler, là. D'accord. Je ne vais pas le dévoiler. Mais le petit livre que je vous dis, là, il a été traduit en je ne sais plus combien de langues, mais c'est énorme, hein. Ah oui. C'est énorme, énorme. Beaucoup de patois de tout le, on va dire de beaucoup de la Belgique, enfin de partout, quoi. Mm. De partout. Tous les patois. Mais donc justement, est-ce que vous diriez que le patois, on peut considérer le patois vosgien comme une langue à part entière? Ça a été une langue au départ, oui. Dans le temps, hein, c'est sûr. Hein. Les gens, ils s'exprimaient qu'en patois. Hein. Ben oui. Et c'est après que ça a évolué. Les années, je ne sais pas, moi. Parce que les... Ah, jusqu'après-guerre, il parlait beaucoup patois. Ah oui, et puis après, le patois a été interdit à l'école, après. Hein. Interdit. Par Jules Ferry. Hein. Oui. Et puis, ils n'avaient pas le droit de causer. Ils arrivaient à l'école, à l'entrée de l'école, plus le droit de parler patois. Et pourquoi? Je veux dire, il y a une raison. Parce qu'ils voulaient que la langue reste comme on la cause. Le français. Le français, le pur. Français pour tout le monde, quoi. Voilà. Voilà. D'accord. Mmh. Et donc justement, vous, Noël, vous êtes référent du coup patois, oui, dans cette association. Est-ce que avec votre famille en dehors, vous parlez patois également ou pas? Oui, ça arrive, oui, assez fréquemment, oui, d'entre nous, de parler patois, oui, oui, oui. D'accord. Oui. Ah ouais. Ensuite, ma question va peut-être paraître un petit peu bête. Bah, justement, c'est un petit peu comme la question que je viens de vous poser, Noël. Mais quand vous vous réunissez dans l'association avec les différents membres, est-ce que vous ne parlez qu'en patois ou est-ce que vous parlez, on va dire, un français courant, entre guillemets? Non, on parle français. On devrait parler patois, mais c'est difficile. Le français reprend le dessus tout le temps. Ah oui? Oui. Bah oui, c'est instinctif, quoi. C'est dommage, hein, c'est dommage. Il y a beaucoup qui... Enfin, dans l'association, il y en a une partie qui voudrait qu'on parle que patois, mais c'est guère possible. Parce qu'il y en a quand même qui ne le connaissent pas beaucoup, quoi. Alors c'est difficile, quoi, voilà. Mmh, oui, sinon, ce serait bien. Voilà, il faut, on va dire, dans les écoles primaires, il faut enseigner le patois. On a été demandé au collège du Val-d'Ajol. D'accord. On y a été un après-midi complet avec moi-même, la vice-présidente, Simone Manès et Emile Houillon, qui est la trésorière. On y a été un après-midi complet. On a pris les enfants par tranche d'un quart d'heure, qui est très peu, parce que on leur posait une paire de questions, on leur faisait lire une paire de mots en patois, mais les 10 gosses qui étaient là, ils pouvaient pas répondre tous, quoi. Alors ça en frustrait quelques-uns. Mais il faut dire franchement que les gosses, le lire, le patois, ils le lisent mieux que moi. Hein. Ah oui? Ah oui, ils le lisent comme une langue, hein, pour eux. Et ils le lisent très bien, quoi. Oui. Parce que peut-être leur langue maternelle, du coup, plus ou moins. Mais non, pas forcément, non, mais c'est, pour eux, c'est comme ça. C'est... On va leur donner, ils étudient l'allemand, ils vont le lire comme il faut. Que nous, on n'y comprend rien, déjà, mais c'est pareil pour le patois. Nous, on le cause, mais eux, ils le lisent bien. D'accord, ben... Bah, c'est le fait que c'est une langue parlée, donc l'écriture, c'est difficile. Elle n'était pas écrite. Hein. Les sons, tout ça, c'est difficile à les écrire. Hein. Les accents, les conjugaisons, les... Ouais, parce qu'il existe même des conjugaisons. Ah bah on est obligé de se référer à une conjugaison, parce qu'autrement, on ferait un peu n'importe quoi. Il faut rester... Il ne faut pas l'inventer, c'est-à-dire qu'il faut le parler comme... Il faut l'écrire comme on le parle, comme on le prononce. Alors nous, on a beaucoup de H. Il y en a, par exemple, Certigny, ils ont des hauts. Gérard Mie aussi, ils avaient un groupe de patois, c'est pareil, qui est maintenant vieillissant et ils n'ont pratiquement plus de réunions, Malheureusement. Bah oui, c'est ça. Et donc, nous l'avons dit en début d'émission, donc l'association, donc c'est la patoisan d'Orvert. Les Trois Rivières, la Combeauté, la Semouse et l'Ogronne. Ben, on va la penser à la française courante, donc des Trois Rivières. Oui, les Trois Rivières. Donc, justement, j'allais vous demander pourquoi les Trois Rivières, mais vous venez de le dire. Ah ben voilà, c'est parce qu'il y a Trois Rivières, il y a la Combeauté qui coule au Val d'Ajol, l'Ogronne à Plombières et la Semouse qui descend sur le Blanc-Murger et Villers là-bas. Oui, parce qu'on avait quand même pas mal de... Enfin, on avait des gens de Plombières qui venaient dans notre groupe. Voilà, alors c'est pour ça qu'on a Plombières, Ruau, il y en a Côte d'Elfontaine qui viennent, même une personne de Certigny qui est décédée maintenant, mais qui venait, toute chaque réunion de nos réunions, elle venait jusqu'au Val d'Ajol avec nous. Et puis elle avait créé un groupe là-bas à Certigny. Et puis malheureusement, le nouveau président est décédé après la crise sanitaire du Covid. Ah oui. Alors là, ils ne savent pas ce que ça va donner. Quoi. Mais donc, du coup, combien de réunions faites-vous, on va dire, par semaine ou par mois ? Par mois, une par mois. Une par mois. Et puis là, on a repris un peu, mais on a été pendant longtemps qu'on n'a rien fait fait de ce qui s'est passé. On ne pouvait pas se réunir. On n'avait pas le droit, il fallait... juste barrière, tout ça, c'était impossible. Eh oui, j'imagine. Comme le reste. Donc cette association, donc elle couvre, si je me suis bien renseigné, donc le Girmont Val d'Ajol, du coup, Plombières-les-Bains et le Val d'Ajol. Le Val d'Ajol, c'est ça. Voilà, c'est les trois, les trois villes, on va dire que. Notre association est à la mairie du Girmont. D'accord. Voilà. C'est qu'elle a démarré, quoi. Et donc les locaux, ils sont dans la mairie. Dans la mairie. Oui, on a des salles, soit une, soit l'autre. Il y a trois salles. Une salle libre. Oui, on est là, sur place. Super. Et donc. Si je me suis bien renseigné également, je crois savoir que l'association collecte également des morceaux de musique traditionnelle. Non ? On a fait des chansons en patois, oui. D'accord. On a fait des chansons en patois, on aurait dû les amener, on en aurait poussé une petite... Pour une prochaine fois. Oui, une prochaine fois, voilà. C'est ça. Donc il est 14h24, avant de poursuivre à nouveau et de parler, cette fois-ci un peu plus en détail, de la BD de Gaston Lagaffe, qui vous avez amené d'ailleurs là, sur la table que je vois juste en face, je vous propose de nous lancer tout de suite dans une nouvelle fréquence musicale, dans une deuxième pause musicale que vous avez choisie une nouvelle fois, et que nous écoutons cette fois-ci Jean Ferrat avec le titre La Montagne. Une nouvelle fois au niveau des quelques références, c'est de la chanson française, c'est un titre sorti en 1964, et c'est un morceau tiré de l'album éponyme de Jean Ferrat, album intitulé donc La Montagne, album sorti en janvier 1965. Donc on écoute ce morceau de Jean Ferrat, un grand chanteur français. Je pense que même les plus jeunes connaissent Jean Ferrat. Et on se retrouve du coup juste après. Donc à tout de suite sur Radio Guémozo, juste après Jean Ferrat. Ils quittent un à un le pays pour s'en aller gagner leur vie, loin de la terre où ils sont nés. Depuis longtemps, ils en rêvaient, de la ville et de ses secrets, du formica et du ciné. Les vieux, ce n'était pas original, quand ils s'essuyaient machinal, d'un revers de manche les lèvres. Mais ils savaient tous à propos, tuer la caille ou le perdreau, et manger la tome de chèvre. Pourtant, que la montagne est belle. Comment peut-on s'imaginer, en voyant un vol d'hirondelle, que l'automne vient d'arriver. Avec leurs mains dessus leur tête, ils avaient monté des murettes jusqu'au sommet de la colline. Qu'importe les jours, les années, ils avaient tous l'âme bien née, noueuse comme un pied de vigne. Les vignes, elles courent dans la forêt, le vin ne sera plus tiré, c'était une horrible piquette. Mais il faisait des centenaires à ne plus que savoir en faire s'il ne vous tournait pas la tête. S'imaginer en voyant un vol d'hirondelle que l'automne vient d'arriver. Deux chèvres et puis quelques moutons, une année bonne et l'autre non, et sans vacances et sans sortie. Les filles veulent aller au bal, il n'y a rien de plus normal que de vouloir vivre sa vie. Leur vie. Ils seront flics ou fonctionnaires, de quoi attendre sans en faire que l'heure de la retraite sonne. Il faut savoir ce que l'on aime et rentrer dans son HLM, manger du poulet aux hormones. Pourtant, que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer? Voyant un vol d'hirondelle, que l'automne vient d'arriver. Vous êtes de retour sur Radio Guémozo, vous êtes toujours en direct, il est 14h28 et vous nous écoutez sur le 107FM localement ou sur notre application mobile et web Orange Radio et aussi sur notre site internet https://radioguémozo.radio-website.com/partout en France et peut-être même dans les pays frontaliers comme la Suisse ou encore la Belgique ou même l'Allemagne. Vous venez d'écouter Jean Ferrat avec son morceau intitulé La Montagne et nous sommes toujours en compagnie dans nos locaux à Saint-Étienne, les Remiremont, de Noël Galmiche ainsi oui. que de Del Daval de l'association des patrons du Germont Valdajol qui sont là pour nous parler entre autres de l'association et de l'album de la bande dessinée de Gaston Lagaffe qui a été traduit en patoisant et sorti l'année dernière. Est-ce que vous passez un bon moment en notre compagnie? Très bien. Impeccable. Parfait. Donc même question que pour la première fréquence musicale, pourquoi avez-vous choisi d'écouter cette chanson de Jean Ferrat? Ben parce qu'on l'aime bien. Ben oui. Bien sûr. C'est une chanson qu'on sait presque par cœur maintenant. À force de l'entendre, on l'entend pas trop souvent mais elle est tellement belle que... C'est une réalité. Et oui. C'est une chanson qui est réelle, ça. C'est vrai. Jean Ferrat, c'était quand même un chanteur à texte. Hein. Oui, tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Et d'ailleurs, ça me fait penser à un de nos bénévoles, donc Michel, qui est là, qui a son émission toutes les semaines, qui adore Jean Ferrat également. Donc voilà, je lui fais une petite dédicace si jamais il écoute cette émission. Donc on va reprendre le cours de cette émission. Comme annoncé avant cette pause musicale, intéressons-nous désormais à la bande dessinée de Gaston Lagaffe, sortie il y a. Enfin, l'année dernière, oui. traduite en patois. Donc, quand est-ce que cette version de cette bande dessinée est-elle sortie précisément? On l'a sortie, on l'a commencé un an avant, hein, qu'on va dire. Parce ouais. qu'il a fallu le mettre sur papier, en patois. Bien sûr. Et dans les réunions, quand on était en réunion, il y en a un qui disait le français, l'autre le patois. Et on intervenait dans les. Ben, parce qu'il y a les bulles, il y a tout ça. Il faut mettre dans la bulle, il faut pas que ça dépasse. Et puis, il faut faire attention aux mots. Ne pas mettre n'importe quoi, qu'on va dire. Quoi. Bien sûr. Voilà. Qu'est-ce que je voudrais dire quoi? Ah bon, on avait presque une réunion par semaine, en petit groupe. Oui. À trois ou quatre. Oui. D'accord. Parce que quand on est trop, ça ne va pas, ça peut pas, on peut pas, on n'arrive pas à traduire correctement. Mais en petit groupe, c'est beaucoup plus facile. Voilà. D'accord. Et donc, comment ça se passait? Est-ce que, par exemple, il y avait une personne qui traduisait une page, une autre personne une autre page, ou ça se passait non. comment? Non, c'était toujours la même personne, la vice-présidente, qui traduisait tout en patois. D'accord. Et quand on avait on a fait des petits groupes après, mais on avait une réunion tous les mois, et là, on reprenait tout par un bout. Enfin, les corrections. Toutes les corrections, c'était des corrections. D'accord. Et quand tout a été bien au point, eh ben, à ce moment-là, on l'a envoyé chez Franquin, hein. Voilà, les éditions. Et là, ils nous l'ont imprimé sur page déjà, avant de faire le livre, forcément. Merci. Et nous l'ont envoyé pour qu'on le reprenne. Recorriger pour voir s'il n'y avait pas de défaut, s'il n'y avait pas de trucs comme ça. D'accord. Et après un moment-là, quand il a été bien déterminé, hop, on a tout renvoyé. Que ça plaise à tout le monde. Il faut que ça plaise à bien tout sûr. Le monde, et c'est surtout à eux. Quoi, que, ah, hein, oui. que, voilà, au départ, ils sont déjà contents, puisqu'ils nous le renvoient. Pour voir si on est content, nous. Donc, Alors après, ils l'ont imprimé, et puis voilà, ça s'est passé. On avait une personne quand même, Elisabeth Pierret, qui nous a mis en relation avec... qui nous avait déjà aidé pour les Tintins, mm-hmm. puisqu'elle est tintinophile avertie. Là, c'est une vraie tintinophile, il y en a. Les tintinophiles, c'est terrible. Hein. Et elle nous a aidé encore là pour avoir des relations avec la fille à Franquin, puisque lui, il n'est plus de ce monde. Bien sûr. Voilà, et tout s'est bien passé, quoi. Tout a été accepté, tout a été... Bien mise en sac, on va dire. Quoi. Bien sûr. Voilà. Parce qu'on rappelle à nos auditrices et auditeurs, si jamais ils ne le savent pas, ou alors pour faire un petit rappel, pour rafraîchir un petit peu la mémoire, si on veut transformer une œuvre originale, il faut l'accord de l'auteur ou de la famille de l'auteur. Tout à fait, oui. Il faut les accords, oui. Voilà. On ne peut pas faire ce qu'on veut, ce qui est normal. Qui est normal. Il faut qu'on reste quand même dans l'origine de la façon de faire, de ce qui se passe, de ce qui se dit, quoi. Mm-hmm. Hein? Bon, c'est sûr qu'il y a des mots qu'on n'a pas traduits parce que c'est des mots français de maintenant et qui ne se traduisent pas, comme télévision, tout ça. Ça reste français, ça. Oui. Ça reste français. Parce que justement, c'est un petit peu de droit, mais c'est en fonction des droits d'auteur, je crois qu'ils sont valables 70 ans après la mort de l'auteur. Exactement. Voilà, voilà. Voilà, tout à fait. Donc, du coup, on va continuer cette émission. Donc, cette bande dessinée, comme vous l'avez dit, c'est une traduction de la bande dessinée intitulée Gaffe en pagaille de André Franquin. Mais vous, comment l'avez-vous intitulée en patois? Topia des Jouilles. Topia des Jouilles. Voilà. D'accord. Tout plein de gaffe, quoi. Oui. Okay. C'est le patois. C'est le patois. Oui, c'est pour ça. Non, mais c'est bien, il faut s'ouvrir aux patois, etc. Oui. Et donc, comment avez-vous décidé quelle bande dessinée vous alliez traduire en patois, Vosgien ? Moi, j'étais parti sur le Lucky Luke qui est sorti, Lucky Luke à Paris. D'accord. Hein, moi, je trouvais que c'était pas mal, quoi. Pour une fois que Lucky Luke venait à Paris, c'est sorti, hein, c'est vrai. J'ai dit, on va faire. Et puis, là, Elisabeth Pierret, qui nous coachait un peu, qui avait une relation avec Franquin, elle nous a dit, un gars sur la gaffe, pourquoi pas ? Mm-hmm. Ce serait peut-être plus facile, plus vendeur. Plus vendeur, surtout. Hein, voilà. Et on a dit, on va partir là-dessus. Mais je ne voulais pas vous le lire tout à l'heure, mais Lucky Luke, il est toujours dans la tête. Puis il y en a un autre qui n'est pas en bande dessinée, mais qui vaut le coup. Et puis je vous dis qu'il a été traduit en plein de patois. Mais c'est que de la lecture. Voilà, ce sera que de la lecture, mais c'est un beau livre, quoi. D'accord. Un beau livre. On va rester à l'affût de tout ça. Et donc, du coup, je ne sais plus la question que j'avais en tête, ça me reviendra certainement. Donc, comment s'est passé le début de ce projet? Parce qu'en sachant, du coup, qu'André Franquin est décédé en 1997, oui. Donc ça fait 20-25 ans à peu près, est-ce que vous aviez eu l'accord de la famille de l'auteur, de sa fille? Oui, puis il y avait un agent qui est devant, je ne sais plus son nom de l'agent. Il y a un agent qui est en avant, quoi, qu'elle a contacté. Et lui, c'est en relation avec... la fille Franquin, quoi, la fille Franquin. Et à partir de ce moment-là, c'est oui ou c'est non, quoi. Voilà. Mm-hmm. Mais enfin, ça s'est bien passé. Il n'y a pas eu de problème, tout. Ils étaient même vraiment d'accord pour qu'on le fasse, quoi. Oui, pour perpétuer. Voilà. Oui, parce qu'il est traduit en créole. Enfin, je ne sais plus en combien de patois, en suisse roman, enfin, beaucoup de patois. En belge, il est traduit. Et également pour perpétrer la mémoire du coup de Franquin. Tout à fait, tout à fait. S'il est encore de ce monde et qu'il voit ça, à mon avis, il serait très content. Quoi. Je pense. Donc, c'est bon, j'ai retrouvé ma question du coup précédente. Par exemple, est-ce qu'il y a des conditions qui font qu'une BD ne peut pas être traduite en patois, ou est-ce que tout peut être traduit? C'est-à-dire qu'on peut traduire beaucoup de choses, mais plus difficilement, qu'on va dire. Quoi. D'accord. Il y en a que c'est compliqué, quoi, qu'on va dire. Hein. On a fait Le Petit Nicolas aussi avant ça. Oui. Hein, Le Petit Nicolas qu'on a traduit en 6 histoires. Mm-hmm. Le Val d'Ajol, Girmont Val d'Ajol, Fraisse-sur-Moselle et Xertigny. Oui. Pour les différents patois. D'accord. Voilà. Alors on a fait une association, qu'on va dire, des 6 histoires. Trois groupes différents. Qu'on a vendu en 750 exemplaires. Là, ça a parti comme des petits pains aussi. J'imagine. Ah oui. Et donc, justement, pour cette BD Gaston Lagaffe, vous l'avez dit, il n'y a pas que vous qui avez traduit cette BD. Non, c'est le groupe complet. Hein. Non, mais. D'accord. Les patois. Oui. Les patois, il y en a plein. Il y a les Suisses, il y a les Belges, il y a. Je vous dis le créole. Parce que il y a un gars qui m'en a acheté 10 d'un coup. D'accord. Parce qu'il savait à qui les revendre, lui. D'accord. Hein, il connaissait les fans de Gaston Lagaffe. Et quand j'ai été chez lui, il y a un restaurant à côté, à Pau-de-Roi, là-bas dans le Doubs. Mm-hmm. Quand j'ai été chez lui, il m'a fait visiter, il y a du lagaffe partout. La moto est lagaffe, la pendule est lagaffe, enfin tout est lagaffe, quoi. Un grand fan de Castor. Ah, c'est un grand fan, un grand fan. C'est pour ça, c'est lui qui m'a dit, il m'a nommé. J'aurais dû prendre la liste, mais il y a terrible, il sait tout, quoi. Mm-hmm. Il sait tous les patois qu'il y a eu de traduit, quoi. Non, c'est même Gaston Lagaffe, tout le monde connaît Gaston Lagaffe. Bah oui, bon, bah en oui, français ouais. courant, on va dire. Ouais. Bah oui. Et donc, combien de temps a pris tout ce projet pour écrire, du coup, cette brève? On va dire, le projet, quand on a démarré, les autorisations et tout, ça a pris, avant qu'il ne sorte, ça a pris un an, quoi, qu'on va dire. Un peu plus d'un an. Un peu plus d'un an, oui, mais enfin, environ, quoi. Hein? D'accord. Et pour récupérer les dessins, du coup, pour parce que une BD, donc du coup, ça a du texte et du dessin, pour récupérer les dessins pour mettre dans les bulles, du coup, les paroles en patois. Comment ça s'est passé? Eh ben, on écrit, c'est eux qui mettent en bulles. Hein. Mais nous, on traduit par phrase. D'après un original. D'après un original. Hein. D'accord. D'après un original. Voilà. On prend un français et avec ça, hop, on fait en patois. Donc vous l'écrivez normalement. Oui, normalement. Et c'est eux qui l'ont remis en bulle. D'accord, ok. Mmh. Ah oui, parce que je pensais que c'était vous qui preniez le dessin, qui mettiez dans la bulle. Non, on est obligé de prendre l'original pour remplir les bulles. Mais ce qu'il y a, c'est que là, on est un peu gagnant parce qu'on est les éditeurs, là. Et oui. Ils nous ont laissé le droit d'édition. D'édition. Donc, il fallait quand même respecter la majeure partie, quoi. Bien sûr, respecter l'histoire originale. L'histoire originale. Il faut pas faire de n'importe quoi. Ne pas caricaturer les personnages. Non. Et donc, c'est à l'origine, vous avez quand même imprimé pas moins de, il me semble, 1000 exemplaires de cette BD. Donc, vous les avez imprimés en Belgique. En Belgique, oui. Ça, oui. Tout à fait. D'accord. Tout à fait. Vous vous souvenez peut-être du nom de l'imprimeur, si on peut lui faire un petit peu de publicité. Alors l'imprimeur, il doit être marqué dedans. C'est marqué, hein, mais je ne sais plus c'est où. Imprimante. Attends, les lunettes, tu les as? C'est en bas, là. Attends. Voilà, on va trouver. Allez-y, prenez votre temps. On a le temps. Oui. Voilà. Imprimé par Delabille. Voilà. Delabille La Saffre. D'accord, parce que je vais peut-être me tromper, parce que je ne connais pas vraiment trop. 7700 Mouscron, Belgique. Voilà. Ouais. Parce que je ne connais pas vraiment la vie de Franquin, mais il me semble, je me trompe peut-être, hein, c'est possible, il était belge, non, Franquin? Ou il était français, pur français? Bonne question, je ne le dirai pas. D'accord. Mais je pense. Belge peut-être, pourquoi pas? Non, je pense pas, il était français, non? Je ne sais plus, honnêtement, je ne sais pas. Non. Bon, non, puis c'est pas marqué dans le livre. Non, bah, c'est pas bien grave. Et donc, d'ailleurs, dans cette version en patois de Gaston Lagaffe, même Gaston Lagaffe perd son nom de famille. Il devient Gaston quelque chose? Gaston, c'est... C'est Gaston. C'est tout pire des joueurs. Les noms propres, on peut pas les noms propres, on les laisse. Lagaffe, on laisse les noms propres. Donc il garde Gaston Lagaffe. Il n'y a que le titre qu'on a changé... Gaffe en pagaille, on a mis Topia les jouets. D'accord. Hein, si les gaffes, c'est. Voilà, si c'est un sobriquet, on peut le traduire, mais les noms propres, on ne peut pas les traduire. Donc Gaston Lagaffe est resté Gaston Lagaffe. Ah, ben oui, il faut les noms propres, on peut pas les. Oui. Et donc, comme ce projet a eu lieu en mai 2020, il me semble, à l'époque du confinement, est-ce que ça n'a pas été trop compliqué de s'organiser? Ça a été un peu stoppé, qu'on va dire. Oui. Et oui. Hein, parce que du fait, on ne savait même pas à quel moment qu'on les aurait. On a su qu'ils avaient été imprimés longtemps après, qu'ils avaient été imprimés juste pour le confinement, mais ils étaient là-haut dans les locaux, et puis ils ont arrivé vers le mois de juin, on va dire. Je pense que ça doit être ça, juin, oui. Oui, en plein confinement. En plein confinement, qu'on était encore en plein dedans. Hein. Donc, après, voilà. Le projet a peut-être pris un peu de retard. Ça a pris un peu de retard. Bon, il a été imprimé en temps voulu, d'accord. Mais après, ça a bloqué, parce qu'il n'y a plus personne... Il n'y a plus de travail, les imprimés étaient fermés et tout. Bien sûr. Bon, après, les camions sur la route, ils roulaient, mais pas tous. C'était un gros problème. J'imagine bien. Et donc, vous l'avez dit un petit peu plus tôt dans cette émission, ce n'est pas le premier héros ni la première BD que vous traduisez en patois vosgien. Mm-hmm. D'autres personnages célèbres y sont également passés, comme Tintin en 2009, et le petit Nicolas, comme vous l'avez dit un petit peu plus tôt, d'elle. Donc, pourquoi vouloir traduire ces célèbres personnages et ces célèbres BD? Toujours pour garder la trace de notre patois. Toujours. Pour les générations à venir. Pour que ça reste dans les écrits, qu'on va dire maintenant. D'accord. Voilà. Parce qu'il faut savoir que quand même, qu'il n'y a pas longtemps, l'Assemblée nationale a reconnu les langues vivantes, qu'on va dire. les langues, les dialectes. Il n'y a pas si longtemps, c'était dans l'année, là. Ça fait quand même du bien. Bon, ça ne nous fait pas grand-chose, mais enfin, être connu comme ça, c'est quand même bien, quoi. Bien ça sûr. Veut dire qu'on ne fait pas ça pour rien. Bien sûr. Et donc, dans Gaston Lagaffe, du coup, on parlait du coup que les paroles doivent être restituées à peu près pareillement, on va dire. Mais l'histoire, il faut que l'histoire... L'histoire reste pas comme ça, elle est dans la bande dessinée. Quoi. Bien sûr. Et justement, je crois que savoir que les images dans Gaston Lagaffe ont beaucoup d'importance, plus que dans Tintin, par exemple. Oui. Ah, oui. C'est pas pareil. C'est pas le même principe, quoi. Oui. C'est une bande dessinée, mais qui est autrement, quoi. Qui autrement. Gaston Lagaffe, c'est le gaffeur, Tintin, c'est Voilà, le gars Tintin, c'est plutôt le casse-cou, quoi. Le détective, hein oui. Oui, voilà. Enfin, le journaliste. Voilà. Et une anecdote que l'on peut souligner également est que, vu qu'il y a un certain nombre d'onomatopées et d'expressions idiomatiques, il est impossible de faire une traduction au mot à mot. Non, mot à mot, on ne peut pas. Non, on ne peut pas. On est obligé de mettre du français, je vous dis. Non, pas du français, mais traduire avec les mots qu'on a, en patois, quoi. Voilà. Les mots qu'on a. Avec les mots qu'on a. Oui, oui. Voilà. On est obligé quand même de. Parce que. On a des mots, mais on n'a pas tous les mots. Hein. Bien sûr. Oui. Donc peut-être que dans la BD, du coup, les mots ne sont peut-être pas exactement les mêmes, mais le sens, il veut dire... Il faut toujours garder le sens de l'histoire. Voilà, voilà. C'est ça, oui. Quand on la lit, celui qui la lit, il se reconnaît. Il reconnaît quand même bien que c'est qu'on fait du réel, pas du folklore. Quoi. Parce qu'il y en a qui disent « Votre patois, c'est du folklore ». Mais non, c'est pas du folklore. C'est pour reconnaître la langue et qu'elle reste dans les traces. Quoi. C'est presque un art, le patois. C'est devenu un art. C'est du patrimoine. Qu'il ne faut pas perdre. Tout à fait. Et nous en parlions un petit peu plus tôt dans cette émission. Comme la patois, malheureusement, elle se perd peu à peu, cet album est en quelque sorte une manière de laisser une trace de cette langue régionale, de mettre un point d'encre avec un E et un point d'encre avec un A, dans le département des Vosges ou même dans la Vosges méridionale. Voilà. Mm-hmm. Pour, comme on le disait tout à l'heure, pour garder le patrimoine. Oui. Et donc, si jamais certaines de nos auditrices ou certains de nos auditeurs qui parlent également le patois veulent se procurer les BD traduites en patois vosgien, comment peuvent-elles et comment peuvent-ils faire ? Eh bien, ils viennent chez le président. D'accord. On a le stock complet. Voilà. Ou alors, s'ils connaissent la vice-présidente, par exemple Simone Manin, elle en a aussi chez elle, à la mairie du Gérémont. Mais chez nous, on a tout. Le répertoire, c'est chez nous. Hein. Alors, c'est bien d'avoir le répertoire. Parce qu'on comprend le patois après. On se réfère au répertoire, quoi. C'est plus facile. Bon, bah, c'est sûr, ça fait un petit coup un peu plus, quoi. Hein? Oui, mais si les téléspectateurs entendent, là, on fait des lots. On a une histoire, France et patois, avec des histoires que nous, on a vécues et qu'on a mis sur un petit livre, le numéro 2 qu'on a fait, là. Et on fait le lot, le Lagaffe, le répertoire. Et le petit livre pour 30 euros. Histoires. Voilà. Ça peut également être un petit jeu, par exemple, quelqu'un qui ne parle pas du tout patois, qui prend le dictionnaire et la BD pour essayer de comprendre au fur et à mesure, s'entraîner à parler patois. Il trouve tous les mots. Il trouve tous les mots. Il y a 2000 mots. Tous les mots qui sont dans le répertoire sont dans Gaston. Ils sont français, patois, patois français. Comme ça. Connais dictionnaire français-anglais, sauf que là, c'est patois. Tout à fait. Patois et français. Moderne. Donc, nous arrivons déjà bientôt à la fin de cette émission. Il est 14h45, mais avant de nous quitter, je vous propose de nous lancer directement dans une troisième et dernière fréquence musicale que vous avez choisie également et que nous écoutons un chanteur que j'apprécie énormément également. Et une chanson que j'apprécie tout autant, que vous m'aviez soumis, me semble, Jean-Jacques Goldman et Grégory Lemarchal. Oui. Du coup, j'ai dû faire un choix parce qu'on ne peut pas passer les quatre. J'ai choisi Grégory Lemarchal car c'est vraiment un chanteur qui me tient à cœur. Donc, nous allons écouter du coup le regretté Grégory Lemarchal, dont on salue la mémoire avec son célèbre titre Écrit l'histoire. Une nouvelle fois, au niveau des quelques références, ce titre est sorti en 2005. C'est à nouveau de la variété française. C'est un titre tiré de l'album Je deviens moi de Grégory Lemarchal. Il s'agit du premier album studio de l'artiste, album sorti le lundi 18 avril 2005. Et pour les fans de Grégory Lemarchal, nous avons fêté cette année le triste anniversaire des 14 ans, de la disparition de Grégory Lemarchal. En effet, il nous a quittés le 30 avril 2007, à l'âge de 23 ans seulement, des suites, on le sait toutes et tous, de la mucoviscidose. Voilà. Donc on rend hommage au petit prince à la voix d'ange, c'était son surnom, aujourd'hui sur Radio Gémozo avec Écrit l'histoire. Et on se retrouve juste après pour la suite et la fin de cette émission. Vient-il me voir, m'oublier, m'approcher, me croire, m'inviter ou ne pas savoir quand viendra la fin. C'est toi qui choisis de rester, me laisser ici, en douter, c'est toi aussi qui sais, et c'est bien. Que veux-tu que je fasse? M'effacer ou m'avancer pour être dans ta trace? Tout te dire ou bien me taire, que veux-tu que je fasse? Écris l'histoire, tout ce que tu voudras entre mes. Marshall avec son célèbre morceau Écris l'histoire sur Radio Gemozo. Vous êtes de retour, vous êtes toujours en direct, il est 14h50 et vous nous écoutez toujours sur le 107FM localement ou sur notre application mobile et web Orange Radio et sur notre site internet https://radiogemozo.radio-website.com/partout en France et peut-être même dans les pays frontaliers. Et nous sommes toujours en compagnie dans nos locaux à Saint-Étienne-lès-Remiremont, de Noël Galmiche ainsi que de Del Daval, des patoisans du Girmont-Val d'Ajol, qui sont là pour nous parler entre autres de l'association et de la BD de Gaston Lagaffe sortie l'année dernière, traduit du coup en patois. Tout est toujours bon pour vous? Oui, oui, oui. Allez-y. Parfait. Donc, même question que pour les deux précédentes pauses musicales, vous êtes habitué désormais. Pourquoi avoir choisi cette musique de Grégory Le Marchal? Parce qu'elle est belle. Et oui. Elle est belle et on sait qu'il avait une belle voix. C'est vrai. Et malheureusement, ben, la maladie l'a emporté, quoi. Mais le souvenir reste. Bien sûr, bien sûr. Oui, il avait, comme je disais avant la pause musicale, seulement 23 ans. 23 ans. Il avait beaucoup de choses devant lui, quoi. C'est vrai, ouais. C'est vrai. Donc, comme annoncé avant cette pause musicale, nous arrivons malheureusement déjà à la fin de cette émission. Y a-t-il quelque chose que nous n'avons pas encore abordé, mais qui mériterait absolument d'être abordé? On a presque tout dit, là, qu'on va dire. Mais voilà, on va parler de l'avenir. L'avenir est... Bien sûr. Hein, on va essayer de continuer comme ça. On va dire, on est plutôt jeune, mais on n'est encore pas... Voilà, 72, 74. Ah oui. Hein, mais la plus jeune a 62. Martine. Ah oui, Martine, oui. Oui, on avait des jeunes, mais ils ont pas resté. Ils n'ont pas tenu le coup, quoi. Ah oui. Voilà. Mais enfin, tant qu'on peut, espérons, d'ici une paire d'années, qu'on aura des jeunes qui reviendront, quoi. Et puis, on espère que, du coup, cette émission, pourquoi pas, motivé certaines personnes à vous rejoindre. Tout à fait. Et donc, nous le rappelons, donc les locaux de l'association, c'est à la mairie du Giremont-Val d'Ajol. Voilà, tout à fait. L'association est basée là. Voilà, donc c'est pas compliqué. Vous cherchez sur Internet mairie Giremont-Val d'Ajol. Voilà. Et vous trouverez. Et mon adresse pour avoir les lagaffes et puis les répertoires. Voilà. À Manxar, 26 à Manxar, 88 340, le Val d'Ajol. L'adresse Internet del.daval@soanadou.fr ou alors le 03 29 66. 55 30. Oui. Voilà, de toute façon je mettrai toutes les informations utiles en podcast de cette émission si les gens veulent vous retrouver facilement. Merci. Si nous voulons vous suivre ou pourquoi pas adhérer à l'association, comment pouvons-nous faire? Oh ben ça, j'ai juste de s'adresser personnellement au président. Voilà. Et puis on peut venir quand on veut, même que pour découvrir. C'est ouvert à tout le monde. On n'oblige personne. Si la personne veut venir une fois, deux fois, si elle veut rester un petit moment pour voir comment que ça se passe, elle peut venir. Ah oui. Mm-hmm. Voilà. Et du coup, je suppose qu'il y a une adhésion à l'année. Oui, 10 euros. Ça va, 10 euros à l'année. Ça fait des années que c'est comme ça. Voilà. C'est très bon. Création de l'association, oui. On a gardé le même tarif. On n'est pas là pour se faire de l'argent là-dessus. De toute façon, une association, c'est pas en but lucratif. Donc voilà. Bien sûr. Faut que ça fonctionne, c'est tout. Tout à fait. Un dernier mot peut-être avant qu'on se quitte. Eh ben, on a été heureux d'être parmi vous. Ah oui, ça fait plaisir. Ça fait plaisir d'être. Et d'être entendu par beaucoup de monde. Oui. Et j'espère que leur dire encore qu'il y a entre 350 et on va dire 400 Gaston Lagaffe qui les attendent, avec des petits répertoires. Et s'ils achètent les trois avec le petit livre qu'on a en plus, avec nos histoires qui sont réelles, qu'on a vécues, voilà, on fait 30 euros ou 15 euros le petit répertoire et 10,95 € le Gaston. Voilà, et 30 euros du coup pour le lot. Voilà, 30 euros pour le lot. Voilà. Donc voilà, très bien, du coup le message est passé, donc c'est ainsi que se termine cette édition de Fréquence Libre. Du coup je vous remercie une nouvelle fois Noël et Del d'avoir accepté mon invitation. Oh, mais c'était avec plaisir. Avec plaisir, merci aussi. Avec plaisir, cette émission sera rediffusée demain, mardi à 18h, avec le podcast de cette émission posté sur notre page Facebook demain dans la journée. Et si vous voulez, je pourrais même vous l'envoyer par mail comme on a convenu. Pendant la pause musicale. Et bien sûr, comme d'habitude, vous pouvez réagir à cette émission sur notre page Facebook Radio Gemozo en nous appelant au 03 29 62 40 40. En attendant, moi je vous laisse avec Gérard et salut les 60 d'ici quelques minutes à 15h, qui nous parlera de Little Richard, pianiste qui est l'un des pionniers du rock'n'roll à la fin des années 50. Quant à nous, nous nous retrouvons demain, mardi à 14h, toujours en direct pour une nouvelle édition de Fréquence Libre, dans laquelle je recevrai Mathieu Brassier, qui sera là pour nous parler d'une pièce de théâtre, mais pas que. Enfin, vous verrez tout ça demain, du coup, 14h, 15h, voilà, comme d'habitude. Donc merci de votre fidélité à Radio Gemozo, et du coup, je vous dis à demain. Donc salut, et à demain.